La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme d'habitude pour parler d'un grand auteur de littérature. Ce sera Gustave Flaubert cette semaine dans une émission proposée par Laurent Travaglichanal, Laurence Millet, Laurence Genepin, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault et Nasser Moussaoui. Cette semaine, le patron est donc au sommaire, l'un des pères de la littérature moderne, l'écrivain qui s'est entièrement dévoué à son œuvre tout en étant bien vivant, comme on l'a découvert avec ses carnets où on le voit féru de sexe, mélancolique mais également rongé par la maladie. C'est donc à propos de cet homme, mais aussi à propos de son œuvre et de son héritage, que nous allons tenter une première approche. Nous le ferons demain avec Gisèle Séginger qui a coordonné le beau dictionnaire Flaubert paru il y a peu chez Honoré Champion. Avec elle, il sera question en particulier du rapport de Flaubert à l'histoire. L'histoire de son siècle, mais aussi l'histoire de l'Antiquité telle qu'il l'a imaginée et reconstituée dans son roman Salammbô. Mercredi, Pierre Claude nous parlera de l'éducation sentimentale. Et puis jeudi, c'est davantage de Madame Bovary et de Bouvard et Pécuchet dont il sera question. Ce sera avec Yvan Leclerc. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour notre émission introductive et biographique, je reçois Pierre-Marc de Biasi, écrivain, plasticien, professeur, homme de radio, commissaire d'exposition, cinéaste, mais également, bien entendu, spécialiste de Flaubert, dont il a édité, par exemple, trois contes dans la collection GF des éditions Flammarion, c'était en 2011. Il est également l'auteur d'un essai biographique intitulé « Gustave Flaubert, une manière spéciale de vivre », paru en 2009 aux éditions Grasset. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs. Elle commence cette compagnie avec une lecture par Pierre Dumayet d'une lettre de Kafka parlant de Flaubert. Quant à l'éducation sentimentale, c'est un livre qui pendant de nombreuses années m'a touché d'aussi près que l'on fait à peine deux ou trois êtres humains. À quelques moments et en quelques lieux que je l'ai ouvert, il m'a fait tressaillir et il m'a pris totalement. Et chaque fois, je me suis senti comme un enfant spirituel de cet écrivain, encore que pauvre et maladroit. C'est une lettre à Felice de 1912. Dis-moi immédiatement si tu lis le français. Dans ce cas, tu recevras aussi la nouvelle édition française. Dis-moi que tu lis le français, même si ce n'est pas vrai, car cette édition française est superbe. Bonjour Pierre-Marc de Biasi. Bonjour. Alors on a choisi d'ouvrir cette émission par cette archive en particulier parce que c'est vous qui interrogiez Pierre Dumayet dans cette émission Radio Libre de 2001 et aussi parce que c'est à Pierre Dumayet que vous avez dédié en 2009 votre essai biographique sur Flaubert. Dumayet était fasciné par Flaubert, Kafka était fasciné par Flaubert. D'ailleurs c'est surtout l'éducation sentimentale qui intéressait Kafka, je crois. Oui, il en était question là dans la lettre. C'est alors pour Dumayet, c'était pas l'éducation qui était son texte favori, c'était Bovary. Mais vers la fin de sa vie, tout de même, il est entré très très profond dans la lecture de l'éducation. Et j'ai en réserve un projet de bouquin d'entretien avec lui là-dessus. L'éduc centime, comme vous l'appelez. Oui, c'est un bon. Pour moi, l'éducation, c'est le chef-d'œuvre, hein, au-delà de Bovary. C'est-à-dire, je pense que c'est un texte qui est le moment d'aboutissement, avec trois contes, peut-être aussi, de l'extraordinaire transformation esthétique, formelle, plastique du texte que Flaubert met en œuvre. Mais évidemment, tout est déjà très largement là, en germe, avec Bovary. Mmh. Je disais que c'était le patron, Flaubert. Oui, c'est le patron. C'est vrai, ouais. C'est le patron. Bah, si vous voulez, ce qui est tout à fait étonnant avec Flaubert, c'est que c'est une œuvre qui n'en finit pas de se renouveler. C'est-à-dire qu'elle accompagne sa réception dans des conditions de métamorphose qui probablement n'a pas beaucoup d'équivalent en littérature française ni mondiale. Il y a eu au moins trois Flaubert déjà, et on est en train d'entrer dans le quatrième. Quoi. Il y a eu le Flaubert de son vivant, qui s'est imposé tout de suite comme un écrivain de premier plan et assez difficile à situer. Il y a eu le Flaubert de toutes les œuvres inédites de son vivant, c'est-à-dire les œuvres de jeunesse, les voyages, les projets, etc. Puis il y a eu le Flaubert de la correspondance qui a fait apparaître un homme ultra vivant, très différent de ses œuvres. Et on entre depuis une vingtaine d'années dans le Flaubert de la forge, de la fabrique, quoi. C'est-à-dire, imaginez quand même plus de 30 000 pages inédites de brouillons, de plans, de scénarios, d'idées. Ils étaient où tous ces documents qu'on n'avait pas trouvés? Et au fond, à chaque fois, c'est un peu comme une dialectique hegelienne, ça remet pas du tout en cause ce qui existait avant, ça ajoute quelque chose, en même temps ça ajoute des contradictions, une complexité, et cette complexité, elle accompagne notre temps. Parce que vous, les carnets, hein, c'est votre spécialité, ouais. Où est-ce qu'ils étaient ces carnets? Pourquoi on les connaissait pas? Oui, c'est une longue histoire, à vrai dire on les connaissait par petits fragments. Ils ont eu un destin compliqué, on n'est même pas tout à fait certain d'avoir la totalité, hein, parce qu'ils ont pendant longtemps voyagé dans une boîte à chaussures, ou dans des boîtes à chaussures, entre le musée du Carnavalet et pendant la guerre, je crois qu'ils étaient consultables par les universitaires dans des conditions telles que je suis à peu près certain qu'un certain nombre ont été fauchés, quoi. Ils étaient au fond pas publiables avant le moment où je les ai publiés. Et d'ailleurs, chose significative, je les avais proposés chez Gallimard ou ceux, on m'avait rayonné. Hein, et c'est Ballant qui les avait publiés en faisant une espèce de pari sur le sens de cette édition. Ça a très bien marché, mais c'était limite. C'est-à-dire qu'on commençait à s'intéresser à ce genre d'écriture fragmentaire et, disons, c'est peut-être une autre caractéristique qui fait de Flaubert un auteur à part. Une écriture qui est avant tout, je crois, pour lui, une aventure existentielle, quoi. Mmh. Avant d'être un projet de publication, un projet de s'adresser à un public, c'est un rapport entre lui et lui. Ouais. Alors, vous avez sous-titré votre essai biographique « Une manière spéciale de vivre ». Ouais. Alors pourquoi spécial? Parce que quand on travaille sur Flaubert, on se dit qu'on doit être imprégné par l'idée de Flaubert, que le mot doit être le mot le plus précis possible. Ouais. Et finalement, une vie spéciale, bon, c'est précis, mais ça pourrait l'être plus encore. Non, vous avez raison, il y a aussi la choucroute spéciale. C'est un mot bizarre, mais c'est le sien. Hein, c'est une citation de Flaubert, à vrai dire, qui sort de la correspondance et qui, une des rares fois où il parle de lui, parce que l'autobiographie n'est pas son fort quand même. Il dit, pour moi, un livre que j'écris est une façon spéciale de vivre, une manière spéciale de vivre. Et il veut dire par là que, au fond, c'est la totalité de son corps, de son âme, de son esprit qui se trouve convoqué par cette action. Que ça le mène, par exemple, à lire énormément. Hein, c'est un des écrivains qui a le plus pensé la relation entre lecture et écriture. Et c'est de ça que je voulais parler, si vous voulez. C'est-à-dire, ce projet de biographie, j'aurais pu le former autrement, mais c'est un projet qui cherchait à rompre avec une tradition qui peut être belle par ailleurs, qui est la tradition anglo-saxonne des biographies pragmatiques et réalistes. Au fond, moi, le nombre de boutons qu'il pouvait y avoir à la brigade de Flaubert, je m'en fous complètement. Je veux savoir pourquoi c'est quelqu'un qui nous parle encore, quoi. Donc, je voulais chercher dans sa vie ce qui faisait que c'était constitué un écrivain de taille immense. Et qu'est-ce qui pouvait avoir fabriqué ça? Voilà. Donc, c'est plutôt une biographie intellectuelle, une biographie de l'écriture. Donc, la manière spéciale. C'est ça, c'est cette manière spéciale de vivre. C'est d'être écrivain. Voilà. En fait, la vie se confond, évidemment, avec l'écriture et avec tout ce qui entoure l'écriture. En fait, tout est mis au service, dans son cas. Dans son cas, c'est particulièrement vrai, oui. Ouais. Donc, écrire pour lui, est-ce que vous avez jusqu'à dire, Pierre-Marc de Biasi, que c'était une question de vie ou de mort? Ah oui. véritablement. Et là, pour des raisons circonstancielles, c'est-à-dire pour des raisons qui l'ont amené à faire un choix conscient de cet ordre, mais qui, au départ, était quand même celle d'un destin. Il a été frappé par une maladie nerveuse très difficile à définir. Bon, on a fait plusieurs hypothèses. Je pense qu'aucune n'est véritablement satisfaisante. On reviendra peut-être d'ailleurs sur ce point-là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a fait l'expérience de la mort. C'est-à-dire qu'il est resté dans le coma pendant un moment. Il a eu des crises successives extrêmement graves. Il en a souffert physiquement énormément. Et de l'intérieur de la maladie, il a saisi la littérature qui était pour lui déjà un fantasme essentiel, hein, mais il l'a saisi comme l'antidote. Il l'a saisi comme la manière de surmonter un risque presque quotidien de mort entre 45 et 46, à un moment où il voit mourir successivement son père, sa sœur, et s'effondrer complètement autour de lui toute sa famille, quoi, tout le réel. La littérature devient, et même dans la littérature, un choix déjà très très affirmé d'impersonnalité devient une manière d'échapper à lui-même. En fait, il y a trois choses qui tiennent en vie Flaubert. C'est les livres, c'est l'amour et c'est les chevaux. Et vous êtes intéressé beaucoup à cette idée que finalement les chevaux, alors vous dites c'est le dada de, évidemment, c'est le dada de Flaubert. Ouais. Le cheval, c'est une affaire véritablement d'enfance au départ. C'est la vie dans la nature. Il a quand même eu cette chance, cette expérience d'être un enfant un peu de la ville à Rouen, mais aussi beaucoup de la campagne. Et c'est tout au long de son existence la liberté, quoi. Il est heureux à cheval. Et s'il est si heureux dans son grand voyage en Orient, c'est qu'il passe son temps sur sa selle, quoi. Et à nouveau, quand il devra repartir pour Salammbô en Afrique du Nord, son exaltation, c'est d'être à cheval toute la journée. Il y a 5000 chevaux, il paraît, dans toute l'œuvre mentionnée. Oui. Il ne manque pas de les rendre présents, évidemment, dans l'écriture, mais le cheval est aussi une sorte de métaphore de l'écriture. C'est le cheval qu'on va faire mourir sous soi parce qu'on lui fait gravir des pentes tellement difficiles. C'est enfourcher sa plume comme on enfourche un cheval. Les métaphores sont multiples. Ça m'a frappé. Je me suis dit, on peut pas ne pas donner à cette figure une place préliminaire. Compagnie des auteurs sur France Culture, on parle de Flaubert avec vous, Pierre-Marc de Biasi. Commençons, si vous le voulez bien, à raconter son enfance. Il naît en 1821 à Rouen, hein, on le sait, dans une famille de la bourgeoisie. Alors, les Flaubert sont un petit peu connus tout de même à Rouen. Le père de Gustave Flaubert s'est fait un nom comme chirurgien. C'est le grand chirurgien de la ville. C'est le patron de l'Hôtel Dieu. Avec des patrons chez les Flaubert. Oui, oui, et absolument. Et non, il est très connu, effectivement. Et c'est une famille plutôt de bourgeoisie très aisée. Ils ont de l'argent. Et c'est de l'argent qui s'est fait véritablement sur le travail du papa Flaubert, qui, comme tout médecin, n'a qu'une envie, c'est d'avoir des fils qui continuent son destin. Ce sera le cas d'ailleurs pour le cas du grand frère de Flaubert. Flaubert, lui, non, ça n'a pas collé. Il n'a pas eu envie du tout de faire ça, ni autre chose d'ailleurs. Mais c'est une famille connue et bien connue de toute la ville, et au-delà de la ville, parce que c'est un chirurgien de grande renommée. De grande renommée, peut-être pas de grande qualité, parce qu'il pratique les saignées abondamment, y compris sur son fils, qu'il va plus tard brûler. C'est vrai. En essayant de le soigner. Là, il y avait peut-être des raisons qui étaient singulières et propres au contexte familial, parce que je crois que pour le reste, il a fait effectivement une très grosse bêtise dans sa jeunesse de chercheur médecin, que Gustave Flaubert, son fils, donc ne manque pas de relever. C'est quand même assez extraordinaire. Hein. Les relations devaient être quand même très très singulièrement tendues dans l'inconscient au moins. Vous savez, le pied beau dans Madame Bovary, qui se passe très mal, et qui tient une erreur de ce pauvre Charles Bovary, qui est loin d'être un patron, lui. C'est une erreur que, historiquement, le père de Flaubert a fait dans sa jeunesse et que Gustave va rechercher dans les annales pour le mettre en scène dans son roman. Et cette main brûlée, le père qui brûle la main de son fils. Alors ça, c'est une histoire terrible. Ouais. C'est une histoire... J'ai reconstitué cette histoire qui était bizarrement non dite. C'était resté dans l'inconscient de la critique. Flaubert avait la main droite. On le voit un peu dans les photos de Nadar. Un peu comme une main de momie, une main un peu noire, quoi, une main tannée, fripée, et comme de cuir, quoi, et cela venait à l'âge adulte, donc, de cette expérience qu'il a faite à un moment où il a eu ses crises très, très sérieuses, où il tombait dans le coma, il voyait des flamèches, son père le traitait à l'ancienne, oui, parce que c'était la méthode de l'époque. On pensait qu'il fallait faire des bonnes saignées à chaque fois. Et un jour où Flaubert avait eu cette saignée, mais où ça se passait pas très bien, on avait l'habitude à l'époque de mettre un petit peu d'eau chaude sur la main pour activer la circulation du sang et donc permettre à la saignée d'être plus fluide, quoi. Sauf que là, pour des raisons qu'il faudrait analyser, mais qui sont certainement lourdes, le père, qui avait pas du tout envie que son fils devienne ce qu'il voulait devenir, c'est-à-dire écrivain, a balancé sur la main de Gustave une casserole d'eau bouillante, quoi. Ouais. Et ça a bien stimulé le sang, du coup. Ah, ça a bien stimulé le sang, mais ça a effectivement fait tomber toute la peau de la main et définitivement brûlé la main droite. Mais ce que ça veut dire, quand même, pour un écrivain? Celle qui enfourche, justement, la plume, comme disait le cheval métaphorique. Ouais. Le frère Achille sera pas forcément bien meilleur médecin. Puisque quand même, il doit soigner, et il y a beaucoup de morts chez les Flaubert, il doit soigner sa sœur. Ah, je vois que vous avez lu mon bouquin très attentivement, parce qu'effectivement, je soupçonne le frère d'avoir été la cause de la fièvre puerpérale qui a tué la sœur de Flaubert. C'est à cette époque, on était vraiment juste avant la période où on apprend à comprendre qu'il faut se laver les mains avant d'intervenir, le frère de Flaubert, Achille, était quelqu'un qui faisait partie de ces médecins qui se flattaient d'avoir les revers de leur costume bien craquants de pus desséchées. Donc, quand il a accouché la pauvre Caroline, vraisemblablement, il avait les mains infectées. Et c'est ce qui a perdu la jeune sœur de Flaubert. Alors, vous dites que l'enfance de Flaubert, c'est une enfance heureuse, c'est un foyer très uni, avec donc ce père qui est quand même une figure un peu monumentale, que Flaubert craint, mais qu'il admire en même temps. Et puis, sa mère, alors Anne-Justine Caroline Fleuriot, qui était orpheline mais qui avait été recueillie par un ami médecin du père. Elle est un peu distante avec son fils Gustave. Quelle est l'atmosphère finalement familiale? La mère de Flaubert, c'est une relation qui va être fondamentale pour toute la vie de Flaubert quand même. Il a ce côté filial vis-à-vis de sa mère qui est évidemment ambivalent, c'est-à-dire à la fois il l'adore et à la fois c'est pour lui une sorte de bois qui l'étouffe, quoi. Je crois que enfant, oui, elle était assez peu présente pour lui. C'était d'abord, il est allé assez rapidement au collège avec internat, donc au fond, comme tous les petits bourgeois de l'époque, il était plus dans la famille, au moment de l'école et du lycée. Mais elle ne croit pas du tout, par exemple, au talent littéraire de son fils, alors que la bonne de la famille, elle le soutient et elle pense qu'en effet, il a vraiment un talent pour écrire des histoires. Ah ben Julie, qui est la bonne, qui va être, Julie est un personnage extraordinaire parce que c'est, au fond, elle l'a accompagnée des langes au linceul. Elle était encore présente quand il était très très âgé. Enfin, à la fin de sa vie, et c'est elle qui lui a raconté des histoires. Elle savait à peine écrire, mais elle connaissait plein d'histoires, et c'est par Julie, au fond, que la narration, la fiction, le goût de l'écriture lui est venu. Le goût de l'écriture et puis aussi le goût de la lecture. La lecture, on l'a dit, c'est l'un des trois dadas de Flaubert et c'est pas étonnant que ce soit aussi le dada de beaucoup de ses personnages, comme l'a souligné, je vous propose de l'écouter à présent, Alberto Manguel. Je Je pense que pour Flaubert, le lecteur est une figure centrale dans son monde. Rappelons-nous qu'à 17 ans, il écrit ce petit texte merveilleux qui est le Bibliomane. Nous oublions trop souvent que Madame Bovary est avant tout une lectrice. C'est là où elle trouve le sens de sa vie, son identité. Bien que ça l'amènera à son suicide, si c'est un suicide. Et bien sûr, Bouvard et Pécuchet, qui sont les lecteurs par excellence. C'est un peu l'archétype du lecteur qui lit tout. Donc vous avez le lecteur qui essaye de se trouver dans ses livres, vous avez le lecteur qui invente le monde ou voit le monde à travers le livre, et vous avez ces deux lecteurs, Bouvard et Pécuchet, pour qui monde et livre sont absolument équivalents. Le bibliomane, Pierre-Marc de Biasi, c'est aussi ce jeune Flaubert qui passe beaucoup de temps, qui se forme à travers les livres. Oui, mais quand je vous disais tout à l'heure qu'avec Julie, il a appris à entendre la fiction, il faut s'imaginer que c'est quelqu'un qui, petit, a su écrire avant de savoir lire. Mm. C'est une chose très, très difficile à se formuler, néanmoins c'est vrai. Et la lecture a été au départ pour lui une difficulté, une sorte de rapport étrange à ce monde de signes avec lequel il avait plutôt des relations d'hostilité, de difficulté. L'écriture, c'est une sorte de dessin dans lequel, progressivement, il va, en apprenant à lire, parce qu'il a, au fond, après, il a très vite résolu ses difficultés, il va se construire un monde. Voilà. Et oui, ça, je crois qu'on doit reconnaître que c'est un écrivain pour lequel, peut-être éminemment plus que pour beaucoup d'autres, le jeu est celui d'un aller-retour permanent entre écriture et lecture. Permanent. Mais qui n'a rien de scolaire, parce que au collège, au lycée, c'est un élève qui est à la fois un peu doué, mais aussi très indiscipliné, même insolent, et puis aussi dans la lune. Enfin, ça n'est pas un... Ouais. Très bon élève en tous les cas. Mais c'est un lecteur déjà farouche. Hein. Il lit tout ce qui s'écrit de contemporain. Il est à fond dans le romantisme. Il suit Hugo et toutes les publications du romantisme. C'est un fanatique de Byron. Il connaît Walter Scott par cœur. Enfin, voilà, il est Rabelais, dans cette ambiance. Montaigne, Spinoza, c'est son ami Le Poitevin. Alors, Le Poitevin a joué un rôle énorme. Fait lire tout ouais. ça. Ouais, dans un jeune homme dont il était amoureux, ils étaient amoureux réciproquement. Hein, ça vous en êtes sûr ? Oui, absolument. Oui, oui vraiment. C'est... Alors après, sur les histoires d'homosexualité proprement dites, on peut discuter. C'est un concept, l'homosexualité, qui est contemporain. C'est pas celui de cette époque. Mais oui, bien sûr, j'en suis certain. C'est le jeune homme un peu plus âgé que lui, par lequel il a accédé plus que l'école, hein, à la pensée philosophique notamment, et ça a joué un rôle décisif. Mais vous voyez, la culture, la lecture, le savoir étaient indissociables d'Eros, indissociables de l'affect, mm-hmm. du désir et de quelque chose qui relevait plutôt d'ailleurs de la construction de l'absolu, d'une sorte d'idéal que d'une affaire amoureuse sexuelle. Vous voyez, c'est... D'ailleurs, des amitiés, il y en aura beaucoup, très très fortes, oui. dans la vie de Flaubert, alors qu'il peut y avoir une façon de regarder les femmes un petit peu distante, voire oui. méprisante parfois. Oui, mais ça, les garçons peuvent aussi être l'objet de regards méprisants de la part de Flaubert. C'est pas rare non plus. Je pense qu'il a été sincèrement amoureux de femmes également, autrement. Je crois que c'est quelqu'un qui, du point de vue érotique, on dirait aujourd'hui, il était plutôt bi, quoi. Voilà, c'est le principe. Et puis, c'était certainement pas si rare que ça à son époque. C'est notre regard qui est un peu pusillanime là-dessus. En tout cas, il y a des lettres qui sont peut-être un peu ambiguës, en effet, et que on a retrouvées il y a quelques temps. Peut-être que c'est des lettres qu'on avait mises un petit peu de côté. Ah oui, il y a des chances. Ouais, oui. Voilà, qu'on a ressorties. Bien sûr. Je crois que ce qui caractérise surtout Flaubert, c'est la franchise. C'est quelqu'un qui ne se ment pas, ne se paye pas de mots, ne veut pas se raconter des histoires sur ce qu'il vit, sur ce qu'il est. Et on m'a accusé de naïveté, moi, dans mon texte là sur Flaubert. J'ai passé un petit moment à parler de cela, sa détestation du mensonge. Et je pense que c'est quelque chose de radicalement vrai. Il dit toujours la vérité. Quel que soit le prix qui ça doit lui coûter, parce que bien sûr qu'il reste dans les normes de la civilité, c'est pas un sauvage, mais enfin si quelqu'un est trop crétin, à la fin il le lui dit. Il peut pas faire autrement, ou c'est quoi, c'est une éthique, ou c'est une naïveté, c'est une éthique, peut-être une part de naïveté, mais ce qui est très très surprenant, je trouve, c'est la constance avec laquelle de l'adolescence à ses derniers jours, il est resté dans cette norme-là. Alors, sur l'adolescence, il y a un moment aussi qui est une expérience un peu initiatique. C'est une soirée chez le comte de Pomereux, qu'il raconte à peu près dans tous ses livres, alors sous une forme à chaque fois un petit peu différente. Donc, c'est un soir de fête, il regarde danser les gens toute la nuit, et puis au petit matin, il prend une barque et il va s'isoler au milieu du lac qui se trouve là, et il pense à la vie qui l'attend. Pourquoi est-ce que ça, c'est une scène si importante dans sa vie, Pierre-Marc de Biasi? Moi, j'y vois, je crois, le moment existentiel pour lui. C'est-à-dire, c'est le moment où, prenant conscience de ce que c'est que la société, il est dans un monde qui n'est pas le sien. Hein. C'est ce château, c'est celui de la noblesse de l'époque. Lui n'est pas noble, c'est un bourgeois riche, mais il pense au fond son avenir. Voilà, il a l'âge de se projeter, et et tout d'un coup il fait l'expérience du destin. Il se dit voilà ce que je veux être. Donc je veux être quoi ? Je veux être écrivain. Et c'est le premier, à partir de cette époque, à employer le mot écrire à l'intransitif. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Écrire. Jusque-là, on disait écrire quelque chose, écrire des comédies, écrire... Non, écrire. Et cette radicalité-là, je pense qu'il en fait l'expérience profonde, existentielle, ce soir-là, effectivement, au milieu du lac du château, mais c'est pas quelque chose de totalement heureux. C'est aussi une convocation. C'est un destin. C'est-à-dire que il va falloir y arriver, quoi. Je propose de continuer le portrait de Flaubert par une lettre qu'il a écrite. Alors, on est quelques années après les années qu'on évoque maintenant, qu'il a écrite à Louise Collet et qui est lue ici par Fabrice Lucchini. Le fond de ma nature est, quoi qu'on dise, le saltimbanque. J'ai eu dans mon enfance et ma jeunesse un amour effréné des planches. J'aurais peut-être été un grand acteur si le ciel m'avait fait naître plus pauvre. Encore maintenant, ce que j'aime par-dessus tout, c'est la forme, pourvu qu'elle soit belle et rien au-delà. Les femmes, qui ont le cœur trop ardent et l'esprit trop exclusif, ne comprennent pas cette religion de la beauté, abstraction faite du sentiment. Il leur faut toujours une cause, un but. Moi, j'admire autant le clinquant que l'or. La poésie du clinquant est même supérieur en ce qu'elle est triste. Il n'y a pour moi dans le monde que les beaux vers, les phrases bien tournées, harmonieuses, chantantes, les beaux couchers de soleil, les clairs de lune, les tableaux colorés, les marbres antiques et les têtes accentuées. Au-delà, rien. Rien. J'aurais mieux aimé être Talma que Mirabeau parce qu'il a vécu dans une sphère de beauté plus pure. Les oiseaux en cage me font tout autant de pitié que les peuples en esclavage. De toute la politique, il n'y a qu'une chose que je comprenne, c'est l'émeute. Fataliste comme un turc, je crois que tout ce que nous pouvons faire pour le progrès de l'humanité ou rien, c'est absolument la même chose. Quant à ce progrès, j'ai l'entendement obtus pour les idées peu claires. Tout ce qui appartient à ce langage m'assomme démesurément. Je déteste assez la tyrannie moderne parce qu'elle me paraît bête, faible et timide d'elle-même. Mais alors, j'ai un culte profond pour la tyrannie antique que je regarde comme la plus belle manifestation de l'homme qu'ait été. Je suis avant tout l'homme de la fantaisie, du caprice, du décousu. À quelques jours, j'irai vivre loin d'ici et l'on n'entendra plus parler de moi. Compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons toujours de Flaubert avec Pierre-Marc de Biasi. Nous avons laissé Gustave au moment où il va monter à Paris, ce qu'il fait. Il a été exempté du service militaire par tirage au sort et donc on l'envoie pour faire son droit. Alors la médecine, bon, ce sera pas ça. On essaye quand même, quand on est les parents de Flaubert, d'en faire quelqu'un et donc on l'envoie faire son droit. Bah oui, c'est un fils de bourgeois, donc il a la médecine ou le droit au fond devant lui. Ça lui fait l'effet d'une castration chimique, c'est ça que vous écrivez. C'est ça. Oui, elle va dire, oui, il fait quand même des efforts. Hein. La première année, non, il fait vraiment rien du tout. Mais bon, il finit par passer parce qu'il pourrait être complètement idiot. Mais la deuxième année, là, quand vraiment il s'agit de commencer à travailler, il n'y arrive plus. Il est en train d'écrire, d'ailleurs. Il est vraiment en train la première version de l'éducation voilà, sentimentale. Et tout ça est raconté très bien dans, transposé dans l'éducation sentimentale, deuxième version, ensuite, où on voit le jeune héros rater ses examens de droit de la même façon. Non, véritablement, c'est une période où il est à Paris, il profite de Paris. Il sort beaucoup. Il sort énormément. Le droit, ça lui donne des nausées, quoi. Physiquement, il peut pas. Mais il est déjà en train d'écrire. Et c'est quelqu'un de très particulier. Dans la lettre que lisait Lucchini là, il y a un instant, il parlait de son amour des bêtes. Il y a un profil Flaubert, jeune adolescent, mais aussi jeune adulte, qui reste très violemment en marge. C'est il y a un petit côté Rimbaud quand même chez Flaubert. Vous voyez, la pauvreté qu'il vit à Paris, ça pas loin de ressembler un peu à celle de Rimbaud. Il aime les idiots, les bêtes, les fous. Enfin, il a ce côté qui, je crois, dérive en fait du romantisme frénétique. Hein. C'est une forme, mais c'est une forme de rébellion profonde. Il y a véritablement une. Alors, un rebelle profond, il a du mal avec la première année de droit, vous voyez, forcément. Alors, donc il écrit, et puis il y a cette crise que vous nous avez racontée tout à l'heure, une crise d'épilepsie, c'est difficile à dire, mais en tous les cas, il se retrouve. C'est-à-dire, il y a des choses qui ressemblent à l'épilepsie, mais pour faire une épilepsie, il faut avoir eu un traumatisme crânien très violent. Alors, on peut émettre l'hypothèse qu'il a peut-être fait une chute de cheval, c'est possible. Mm-hmm. Parce que ça se passe sur le trajet, justement, mais avec son frère pour aller à la mer. Il y a eu un moment décisif qui était cette expérience de la mort qu'il a faite en allant. C'est juste après, en fait, son échec à l'examen de droit. Il doit aller dire à ses parents, c'est raté. Et ça ne peut pas ne pas être lié à ça, parce que c'est vraiment trop. Il est avec son frère, ils sont dans un attelage avec deux chevaux, c'est la nuit, et tout d'un coup, c'est le frère qui pilote, et tout d'un coup, Flaubert tombe à la renverse en état de mort apparente, quoi. Il est saigné, ramené à la vie difficilement. Malgré cela. Et oui. Et commence une série alors de crises très graves, mais qui le mettent. Alors Sartre a une explication existentielle qui est assez marrante, qui est probablement pas entièrement fausse. Il dit, c'est une maladie, c'est une somatisation du fait que Flaubert ne pouvait pas avouer à ses parents qu'il ne voulait pas être juriste, mais là, c'est le corps qui les met en face de l'obligation de considérer qu'il fera pas ses études de droit, quoi. Voilà. Donc ça marche assez bien. Ça marche. Parce qu'ils lui permettent de prendre à ce moment-là une année sabbatique. C'est que le père qui est chirurgien se rend compte de la gravité de la chose, quoi. Il se dit, oui, là, ce pauvre Gustave, on n'en fera jamais rien. En gros, c'est ça, hein, l'idée. Bon, s'il veut faire de la littérature, qu'il fasse de la littérature dans l'état où il est, de toute façon, ça peut pas être pire, quoi. C'est un peu le diagnostic, et c'est à peu près ce que, inconsciemment ou consciemment, Gustave avait planifié. Donc il va partir dans le sud, il essaye de mettre à profit cette année pour prendre un peu des notes, pour travailler sur son travail postérieur. Et puis, assez rapidement, il va y avoir, là aussi vous l'évoquiez Pierre-Marc de Biasi au début de l'émission, tous les morts qui vont venir changer radicalement la couleur de la vie de Flaubert, notamment la mort de son père et puis de sa sœur Caroline. À partir de là, alors qu'il est jeune, il a 25 ans, on comprend que voilà, la jeunesse s'est terminée et c'est la mélancolie qui va prendre le pas. C'est-à-dire, il faut comprendre que c'est il y a une séquence noire, quoi. La séquence noire, elle commence avec les crises de 44, 45. Et elle se poursuit de façon à peu près continue jusqu'à ce double décès qui va faire que du jour au lendemain, ce qui était au fond une maison familiale chaude, qui soutenait un petit peu la vie de Flaubert. Un port d'attache en tous les cas. Voilà, une sorte de port d'attache, disparaît complètement. Il n'y a plus personne que la mère de Flaubert qui vient de perdre son mari, qui est donc totalement désespérée. Et une petite fille qui vient de naître juste avant la mort de sa mère, la fille de la sœur de Flaubert, qui sera morte après sa naissance. Donc la maison devient une espèce de désert. Flaubert ne se sent pas le courage d'abandonner sa mère, donc il va venir vivre avec elle et s'occuper de la petite fille. Donc c'est à ce moment-là qu'il écrit La Tentation de Saint-Antoine. Et là, ses amis, Maxime Ducamp et Louis Boullier, vont détester vont presque censurer d'une certaine manière ce texte-là. Ouais. Pour quelle raison est-ce que c'est si raté que ça? Ah, c'est pas raté du tout. C'est un texte absolument éblouissant. C'est un magnifique texte qui a été republié dans sa version originale et qui est... Ah oui, parce qu'il l'a reprise ensuite. Ensuite, il l'a reprise. C'est un peu l'œuvre de toute une vie, parce que comme ça avait commencé très mal, il a réécrit en 56 par pas mal de ratures, et puis il a surtout réécrit dans les années 70 comme une des œuvres de la fin de sa création. Mais même l'original est magnifique. L'original est magnifique. Non, mais c'est simplement une œuvre qui était impensable complètement par un lecteur, disons, de cette époque. On est en 48. Hein. Et c'est une œuvre qu'il a écrite dans la fin de cette période de souffrance dont on parlait, qui est une œuvre sur une sorte de pandémonium, dira Baudelaire, des hérésies et de la pensée religieuse, mais qui est en réalité une œuvre déjà symboliste. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'il faudrait se projeter à la fin du 19e siècle pour la comprendre. Et donc les deux, là, camarades Ducamp et Boullier, en entendant ça, il leur a fait la lecture pendant 32 heures. 32 heures de film. On les comprend, du coup, 32 heures. Non, mais c'était sublime. Hein. Moi, j'aurais voulu être là, quand même. C'est imaginé, lu par Flaubert lui-même. Ils n'ont rien compris. Et donc, ils lui ont dit, écoute, non, ça, tu vas nous brûler ça et passer aux choses sérieuses. On ne veut plus entendre parler de ce truc-là. Ça a été un coup terrible pour lui, hein, véritablement. Alors, pour aller mieux, il décide de ce fameux voyage en Orient, hein, qui va rester assez mythique. Et c'est vrai que c'est une expérience qui va changer sa vie. Je vous propose d'écouter l'extrait d'une lettre qu'il a écrite à sa mère alors qu'il était à Constantinople. Femme, la gloire, à condition, mon bonhomme, que tu ne seras ni ivrogne, ni amant, ni mari, ni tourlourou. Mêlé à la vie, on la voit mal, on en souffre, on en jouit trop. L'artiste, selon moi, est une monstruosité, quelque chose hors nature. Tous les malheurs dont la providence l'accable lui viennent de l'entêtement qu'il a à nier cet axiome. Il en souffre et en fait souffrir. Qu'on interroge là-dessus les femmes qui ont aimé des poètes et les hommes qui ont aimé des actrices. Or, c'est la conclusion, je suis résigné à vivre comme j'ai vécu, seul, avec une foule de grands hommes qui me tiennent lieu de cercle, avec ma peau d'ours, étant un ours moi-même, etc. Je me fiche du monde, de l'avenir, du qu'en dira-t-on, d'un établissement quelconque, et même de la renommée littéraire qui m'a jadis fait passer tant de nuits blanches à la rêver. Voilà comme je suis. Tel est mon caractère. Si je sais, par exemple, à propos de quoi me vient cette tartine de deux pages, que le diable m'emporte, pauvre chère vieille. Non, non, non. Quand je pense à ta bonne mine, si triste et si aimante, au plaisir que j'ai à vivre avec toi, si pleine de sérénité et d'un charme si sérieux, je sens bien que je n'en aimerai jamais une autre comme toi. Va, tu n'auras pas de rival, n'aie pas peur. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors ce voyage en Orient, Pierre-Marc de Biasi, ça change sa vie parce que il réalise qu'il accepte au fond son destin, c'est-à-dire une vie de solitaire, une vie où l'art sera le sacerdoce. Et il accepte d'une certaine façon cette vie qu'il s'assigne, mais dont il a peut-être l'impression qu'elle lui est assignée par une force supérieure. Oui, il y a tout ça, mais il y a aussi le voyage lui-même. C'est-à-dire que, d'abord, c'est un très vieux fantasme. Il voulait partir avec le Poitevin. C'est avec le Poitevin qu'il aurait voulu faire ce voyage en Orient. Il l'a fait avec Ernest, avec Ducamp. L'Orient, pour un jeune français de l'époque, c'est comme, comme la Grèce pour un Romain ou comme les États-Unis pour un garçon des années 50 ou 60, ou comme la Chine aujourd'hui. Vous voyez, c'est l'endroit où il faut aller, quoi. Bon. Et il y va, il y mène une vie extraordinairement riche en sensations, en découvertes. Oui, il est moins touriste que visiteur des populations, voire des bordels. Il est, si vous voulez, la lettre qu'on a entendue à sa mère de Constantinople, il faudrait, pour être juste, entendre une lettre à son copain Bouillet, racontant la même soirée ou la même journée, ça serait pas du tout la même lettre, vous voyez. Mais c'est toute la richesse de cette expérience, d'ailleurs qui a fait qu'il a beaucoup écrit, parce que ce voyage a été, je l'ai publié dans le manuscrit original qu'on connaissait pas, parce que justement ça avait été censuré par la nièce. C'est un moment certainement fondamental, parce que c'est celui qui fait la rupture entre la période de jeunesse, de réflexion, et celle de la maturité, rentrée d'Égypte, rentrée d'Orient. Dans le mois qui suit, il commence à écrire Madame Bovary. Mmh. Donc il y a forcément pensé pendant cette année et demie qu'a duré ce voyage. Absolument, absolument. Et il n'a pas seulement pensé ce roman, il a pensé probablement une bonne partie de la totalité de son œuvre. Mmh. C'est quelqu'un qui a cette caractéristique. Il aurait eu en tête déjà, par exemple, Bouvard et Pécuchet à ce moment-là. Mais bien sûr, il y a tous les éléments... si vous voulez, de construction de l'œuvre, se remonte extrêmement loin dans l'histoire de sa réflexion, et même antérieurement au voyage en Égypte, mais avec une programmation qui est de plus en plus fine. Oui. Et d'ailleurs, si on regarde ce qui se passe après, ça répond à une sorte de méthode. C'est pas du tout l'effet du hasard. Vous avez une sorte de dialectique entre des romans sur le présent et la France ou l'Occident contemporain, et des romans sur l'Orient et l'Antiquité qui s'alternent systématiquement. Et Madame Bovary, puis ensuite Salammbô, après Salammbô, l'éducation sentimentale, à nouveau le présent et contemporain. Après la tentation de Saint-Antoine, on va retrouver l'Orient et l'Antiquité. Donc tout ça est construit, et je parierais qu'une très grande partie de son plan s'est élaborée silencieusement, puisqu'il parle pas beaucoup avec Ducamp de tout ça, sur le dos des chevaux qu'il a chevauché à travers tout l'Orient pendant un an et demi. Ouais. Donc ce voyage où il rencontre un certain nombre de femmes, qui sont peut-être d'ailleurs des modèles pour Madame Bovary. Mais alors, il y en a beaucoup des modèles pour Madame Bovary. Il y en a aussi en France, principalement en France. C'est qui Madame Bovary, alors, pour vous, Pierre-Marc de Biasi? En tout cas, c'est pas Flaubert, parce que là, on peut être sûr que la formule. Donc Madame, il n'a pas prononcé cette formule. Il n'a jamais prononcé, ni écrit, ni dit. Et ça, c'est une histoire à la noix de coco qu'on nous a racontée. Mais au fond, il aurait pu le dire quand même. Mais ce n'est pas vrai, quoi. Bah, Madame Bovary est une femme qui ressemble beaucoup aux femmes qu'il a réellement aimées, mais à plusieurs des femmes qu'il a réellement aimées. C'est une. Pour ce qu'on en sait physiquement, parce qu'on n'en sait pas grand-chose, en réalité, les portraits physiques d'Emma sont à la fois pas très nombreux et puis changeants hein, dans le roman. Donc, on ne connaît pas exactement la couleur de ses yeux, par exemple, difficile. Mais si on prend la correspondance, on voit bien qu'elle a l'air de ressembler à plusieurs filles qu'il a aimées. Et vraisemblablement, c'est un personnage composite dans lequel les affects les plus improbables de Flaubert sont présents, y compris l'Almée. Ça, c'est Dumayet qui a trouvé ce truc extraordinaire. Donc l'Almée, c'est la courtisane orientale. La courtisane égyptienne Kutchukanem. Kutchukanem qui est... dans un passage du voyage en Égypte, où il arrive chez Kutchukanem, célèbre courtisane qui voulait absolument voir avec Ducamp, etc., première description, elle est quasiment nue, elle les reçoit chez elle, elle descend un escalier, elle a sur les seins une sorte de voile transparent, et Flaubert note « odeur de sucre et de térébenthine mm-hmm. » ouais, quand il s'approche d'elle. Et Dumayet disait « mais c'est quand même marrant parce que la première fois que Emma rentre chez Homais, le pharmacien, et qu'on la voit apparaître chez Homais, il y a quelqu'un qui demande du sucre et de la térébenthine. Mm-hmm. » Bon, voilà. Bon, ça, c'est la découverte surréaliste de Dumayet, mais c'est très probablement un cryptage. Flaubert adore ça, encrypter ses textes de trucs à usage strictement personnel. Il n'y a que lui qui peut savoir ce que ça veut dire, ou que des amis très proches. Voilà un cryptage qui nous prouve très probablement, sérieusement, que Emma est une des lointaines dérivées de Kutchukanem. Alors, on parlera au cours de cette série, évidemment, plus largement, de Madame Bovary. Après ce roman, Flaubert va écrire deux autres romans modernes, L'éducation sentimentale et Bouvard et Pécuchet, vous l'avez dit, mais il ne faut pas minimiser non plus l'importance des trois contes dans son œuvre. Pourquoi ces trois contes sont-ils aussi à prendre vraiment en compte, justement? On a dit que la carrière de Flaubert, elle s'est développée au fond de manière radicale sur l'hypothèse que c'est écrire ou mourir. C'est un peu ça, quoi. La vie, c'est écrire. La Trois Contes se situe à un moment de la vie de Flaubert où il y a eu une nouvelle expérience de cette radicalité. Pour des raisons que je ne vais pas développer, c'est un peu compliqué biographiquement. En 1875, Flaubert se retrouve dans une situation où tout son univers tranquille, il avait abandonné quand même beaucoup de choses de la vie pour se consacrer à l'écriture, mais ça marchait parce que il avait une maison, Croisset, où il pouvait vivre sans beaucoup de frais, et puis il allait à Paris de temps en temps. Tout ça se trouve menacé par la faillite de sa nièce, qui tout d'un coup est ruinée. Et comme c'est un oncle adorable... Et comme à l'époque, une ruine, c'est véritablement une catastrophe, il abandonne à sa nièce la totalité de ses biens. Il reste la question, il n'est pas sûr du tout qu'il puisse garder sa maison, quoi. Donc il y a un moment où il est... C'est une période difficile, vous voyez, on est après la guerre de 70, l'éducation sentimentale n'a pas eu beaucoup de succès, mais, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que Madame Bovary en avait eu. Oui, en avait eu tout de suite. Mais en gros, sur un malentendu, parce qu'elle avait été interdite. Le scandale. Voilà, scandale. Donc ça a été beaucoup une aide pour le succès. Mais l'éducation, c'est un texte politique très dur. Donc il n'a pas été compris du tout. Flaubert se sent incompris. Il est en train de perdre toute sa fortune. Et je crois qu'il est tenté par le suicide à ce moment-là. Et c'est à un moment où il est au fond vraiment du trou, quoi, au plus bas de la vague, que tout d'un coup il repense à un vieux projet. C'est ce que je disais tout à l'heure, tout est programmé généralement depuis très très longtemps dans son esprit. Un vieux projet de récit qui est la légende de Saint-Julien. Il l'écrit à Concarneau en partie et puis à Paris. Et là, ça le transforme complètement. C'est-à-dire que c'est un texte qui est une sorte de retour sur soi. Et Trois Contes vont être, si vous voulez, dans l'ensemble de la carrière de Flaubert, peut-être le texte le plus abouti au sens où c'est à l'échelle de chaque mot. Ben, les phrases sont construites avec une intensité qui est à l'échelle du mot, quoi. Un peu comme un poème, à vrai dire. D'ailleurs un peu tous ces livres. Tous ces livres, absolument. C'est aussi un poème en prose. C'est un poème en prose, mais alors là, je dirais, où il est arrivé au sommet de ses moyens. Et d'une certaine façon, c'est son testament littéraire, parce que Bouvard et Pécuchet qui va suivre ne sera jamais terminé. Alors vous posez aussi la question de savoir, Pierre-Marc de Biasi, si Flaubert était un écrivain engagé. C'est pas tellement a priori l'idée qu'on s'en fait. Quelles sont les grandes idées de Flaubert politiquement ? Alors Flaubert est républicain. C'est pas du tout un royaliste. C'est vraiment pas un royaliste. Il est d'une famille plutôt athée. Ou agnostique en tout cas, est convaincu, bien qu'il dise le contraire, qu'il y a du progrès dans l'histoire. Il pense que le progrès n'est pas celui que raconte le positivisme du 19e. C'est un peu un anti-moderne, comme on dirait aujourd'hui. C'est un anti-moderne, mais faut pas aller trop loin non plus dans cet esprit-là, parce que on a beaucoup dit que Flaubert était de droite, et même d'extrême droite. Là, c'est radicalement faux. Et on peut le démontrer par son écriture. L'écriture romanesque politique de Flaubert est clairement à gauche. C'est-à-dire, c'est aussi bizarre peut-être à admettre, mais c'est la vérité. Quand ça veut dire quoi, une écriture à gauche? Ben, si vous voulez, l'éducation sentimentale qui va porter sur la révolution de 48, par exemple. Il y a deux révolutions, comme vous le savez, en 48, février 48, qui est une révolution, disons, un peu consensuelle, bourgeoise, et puis la révolution de juin 48, qui se termine par un bain de sang, et qui est, comme l'expliquera Marx, la découverte du moment où le peuple se scinde en deux, et où une contradiction à l'intérieur du peuple fait que le prolétariat va se battre contre la petite bourgeoisie. Flaubert fait une analyse qui est antérieure à celle de Marx, et qui a exactement la même nature, la même qualité. Mais quand on regarde comment il fabrique son roman, les sources critiques avec lesquelles il travaille pour février 48, c'est-à-dire la révolution qui réussit, la révolution bourgeoise, disons, sont toutes des sources qui se moquent de cette révolution. Les sources qu'il va utiliser pour juin 48, c'est-à-dire le bain de sang, le massacre des ouvriers, etc., sont toutes des sources ultra-gauche, voyez, qui, au fond, prennent le parti des victimes. Non, mais l'idée du Flaubert de droite, elle vient plutôt du fait, bon, alors certes, il n'aime pas les bourgeois, mais enfin, surtout, il n'aime pas tellement la masse. Enfin, ça vient de son élitisme, quoi. Ah oui, mais alors, vous savez, dans l'élitisme, il peut y avoir des pensées de gauche. Par exemple, une bonne partie de la pensée ultra-gauche au 19e siècle et au début du 20e peut être conciliable avec une sorte d'individualisme. On trouve ça chez différents penseurs. Il y a une autre chose, par exemple, très singulière, Madame Bovary. Quand il commence à écrire Madame Bovary, il termine sur un échec. Après la suicide d'Emma et la mort du père de la petite Berthe, est envoyée à l'école gratuite, ce qui est pas une belle un beau destin à l'époque. Bon, il se ravise quand il finit le roman et il l'envoie à l'usine. Mm-hmm. Et quelle sanction sociale, hein. C'est-à-dire, il y a une véritable analyse, moi je dirais, de type marxiste de la société chez Flaubert. Alors on arrive à la fin de cette émission, Pierre-Marc de Biasi. Vous terminez votre livre avec deux images, c'est l'ange du bizarre et le dieu des âmes. En quelques secondes, pourquoi ? C'est-à-dire, je crois que Flaubert est quelqu'un qui n'est pas seulement un écrivain. Je pense que c'est un philosophe, un penseur qui doit être aujourd'hui reconsidéré et replacé dans le cadre, disons, des grands intellectuels qui ont formé la pensée problématique. Il le fait en entrevoyant de façon incroyablement lucide ce qu'allait devenir la société de consommation de masse et de communication de masse. Et il y a dans les textes de Flaubert, dans ses romans, mais surtout dans ses notes, ses carnets, ses recherches personnelles, des choses inouïes, mais véritablement inouïes, sur l'importance de la technique, la façon dont tout repose sur la croyance. Et au fond, c'est ce Flaubert, si vous voulez, penseur de la croyance, que je voudrais qu'on examine aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre-Marc de Biasi pour ce retour trop rapide sur la vie de Flaubert. Je rappelle que vous êtes spécialiste de génétique des textes, professeur à l'ENS et directeur de recherche au CNRS. Puis en 2009, eh bien, vous avez publié chez Grasset un essai biographique au sujet de Flaubert dont on s'est beaucoup servi pour cette émission. Il est intitulé « Flaubert, une manière spéciale de vivre » et vous avez obtenu pour cela le prix de la critique de l'Académie française. Demain, la suite de notre semaine Flaubert. Nous évoquerons notamment son rapport à l'histoire. Ce sera en compagnie de Gisèle Séginger. Mais tout de suite, c'est le moment de retrouver la poésie. Et c'est comme chaque jour avec Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Parfois, la poésie nous dépasse. Et c'est bon. Sans excès de vitesse, 100 mètres de clignotant, roule autre part les oiseaux dans sa tête. Le livre de Dominique Kellen s'appelle « Revers ». Il est publié chez Flammarion et le premier chapitre « Oiseaux » avec lesquels nous partons, interrompu dans la semaine quelquefois par le passage d'un Eugène Guivic. « Ouvrir », dit-il dans le livre publié chez Flammarion. Mais tout d'abord, nous sommes avec Dominique Kellen, « Oiseaux ». Pas de ça ici. D'habitude, les oiseaux volent dans les airs. La quantité de neige fascine. Sinon quoi? À l'endroit? L'envers. L'eau de qui a long trait, corps lancé à terre pour rien. Il n'allait pas arriver. L'œil jamais ne voit qu'on est ici. À quoi servira leur jus si le départ cesse? Étrange départ où on dit leur vérité vraie à des choses qu'on n'a jamais. Ça va arriver. Regarde. Ce n'est rien. Pour ça sont lancés de bons traits d'humour ou de lumière envers chacun, dans l'incendie, sinon dans la neige. Une espèce. La catégorie dans tant d'oiseaux où beaucoup d'eau n'est pas. Et le deuxième poème du livre. Deux sont deux ou un plus un. Trois donnent un faux résultat. Oiseau exact voit mille. Près de mille. D'un mystère à une énigme, ça ruine tout. J'en abats un en plastique, toi et moi courons d'un coup sec. Un feu noie le lac. Tu vas là où tu seras en nage et suant. Un état est l'objet de mille soins, l'objet d'un seul à un rythme de nage en son sac. Où vois-tu un lac au milieu d'un poème? Peu d'espoir. Eau et sac plastique sont partis. En hâte, la ruine est totale une bonne fois. D'un geste, près de nous vole peu d'oiseaux. La petite faux coupe en trois, toi ou moi, ou tous les deux. Insistons, cherchons plus loin. Écoutons Dominique Kellen à la page 15. On a dit que vous devez classer tout et la cendre à chasser d'ici. Les quoi? Les oiseaux? D'où sont les choix des uns ou les activités de? De? Comment? L'esprit? Nul esprit. C'est au moi à dire. Même pas. Quel titre étonnant que celui-ci. Les embarras à manger. Comme si soit manger, soit avoir les os n'était que ça. Quel titre tout de même? Un mystère. Au moindre esprit, il donne de l'aplomb issu de ses activités. Ce sont trop d'oiseaux à traiter. Les devants chassés, on sait qui et qui va classer l'affaire. Que cela soit dit, qu'en dit-on? ainsi jouer avec chasser, classer, classer, chasser, c'est dans Revers de Dominique Kehlen. Merci Jacques Bonafé, vous consacrez vos lectures de la semaine au poète Dominique Kehlen.